Voilà, c'était le groupe Kiss sur RGM. Un peu plus de 8h38, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 20 janvier. 1930, naissance de Buzz Aldrin Jr., astronaute américain. Il est avec le commandant de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, parmi les deux premiers humains à marcher sur la Lune. 1933, naissance de Gérard Hernandez, acteur français célèbre pour ses moustaches, mais aussi pour sa voix, qu'il a prêtée à de nombreux personnages de dessins animés, notamment Gonzo dans le Muppet Show, le professeur Moriarty dans la plupart des épisodes de la série animée Sherlock Holmes, ainsi que le grand Schtroumpf et le Schtroumpf grognon dans le dessin animé Les Schtroumpfs et Les Schtroumpfs le film, ou encore Is No Good dans le même nom, Is No Good, mais vu également dans les séries Père et Mère dans le rôle du commissaire Boniface Perret et Scène de ménage bien évidemment dans le rôle de Raymond. 1934, naissance de Tom Baker, acteur britannique célèbre pour le rôle du docteur dans la série de science-fiction britannique Doctor Who qu'il a interprété pendant 7 ans, de 1974 à 1981. 1946, naissance de David Lynch, réalisateur américain à qui l'on doit Elephant Man, récompensé du César du meilleur film étranger, Dune, Blue Velvet, Sailor et Lula ou encore Lost Highway. 1952, naissance de Paul Stanley, musicien américain, chanteur et guitariste du groupe Kiss. 1958, naissance de Lorenzo Lama, acteur américain, connu pour son rôle de Lance Compson dans la série télé Falcon Crest, mais surtout pour son rôle de Reno Reigns, alias Vincent Black, dans la série Le Rebelle. 1963, naissance de James Dunton, acteur américain, vu à la télévision dans Le Caméléon, Devious Maids, NCIS, Nouvelle-Orléans, mais on le connaît surtout pour son rôle de Mike Delfino dans la série Desperate Housewives. 1970, naissance de Skeet Ulrich, acteur américain, vu dans la série télé Jericho dans le rôle de Jake Green, ensuite dans Les Experts Manhattan, Unforgettable, et depuis 2017, il joue dans la série Riverdale, le rôle de Forsyth Pendleton, alias F.P. Jones, deuxième du nom. 1973, naissance de Benjamin Biolay, chanteur français. On écoute tout de suite un extrait de son titre, Ton héritage. Les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Voilà pour l'extrait de Benjamin Biolay. Allez, on continue les anniversaires. 1978, naissance d'Omar Sy, humoriste acteur français qu'on a connu grâce à son duo avec Fred Testo, le duo Omar et Fred, notamment à la télévision dans le SAV des émissions, et vu au cinéma dans Le Raid, Safari, Les Tuches, Intouchables dans le rôle de Driss, récompensé du César du meilleur acteur, Les Seigneurs, De l'autre côté du périph, L'écume des jours, X-Men, Days of Future Past dans le rôle de Bishop, Samba dans le rôle de Simba Sissé, Jurassic World dans le rôle de Barry, Chocolat dans le rôle de Raphaël Padilla, dit Chocolat, Inferno dans le rôle de Christophe Bouchard, Demain tout commence dans le rôle de Samuel, Knock, l'année dernière dans Yao dans le rôle de Sédoutal, ainsi que dans Le Chant du Loup. Et il sera à l'affiche cette année dans 3 films. On commence avec le film Le Prince Oublié, qui sortira donc le mois prochain dans le rôle de Jibi. Il sortira également dans le film L'Appel de la Forêt. Il incarnera le rôle de François et dans le film Police, dans le rôle d'Aristide. 1980, naissance de Maëva Méline, chanteuse et comédienne française, connue pour avoir incarné Narnelle, la sœur de Mozart, dans la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. 1987, date naissance d'Evan Peters, acteur américain, vu dans Kick-Ass, X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix, dans le rôle de Peter Maximoff, alias Vif Argent. Et on l'avait vu également dans la série télé Les Frères Scott, dans la saison 6, dans 6 épisodes, dans le rôle de Jack Daniels, et vu également dans Esprit Criminel. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Mozart, l'opéra rock, et le titre, c'est bientôt la fin. Ce soir, c'est le grand bal. Mozart, l'opéra rock, c'est bientôt la fin sur le 107FM. On parle tout de suite météo. La météo. Très belle journée ensoleillée qui nous attend aujourd'hui avec des températures hivernales. Ça y est, l'hiver est là. On a entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 3 et 5 degrés pour cet après-midi. Pour mardi et mercredi, ce seront également des belles journées ensoleillées avec pour mardi des températures comprises entre moins 3 et moins 2 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour demain après-midi. Et mercredi, entre moins 2 et moins 1 degré le matin et entre 4 et 6 degrés prévus pour mercredi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On va commencer avec le biathlon et à Ruhpolding. Et c'est une étape qui a plutôt très bien réussi à notre équipe de France. Résultat du relais féminin, victoire de la Norvège devant la France qui termine donc deuxième de ce relais à Ruhpolding. Et troisième, la Suisse. Le relais messieurs a été remporté impérialement par l'équipe de France. Très beau relais, rien à dire. La France s'impose devant la Norvège et l'Autriche. La poursuite d'hier féminine a vu la victoire de Thierry Lecoff devant Fialkova et Eberg. Première française, Justine Brezaz, 11e, 23e, Julia Simon, 36e, Chloé Chevalier et 42e, Anaïs Bescon. La poursuite, messieurs, d'hier après-midi a vu la victoire de Martin Fourcade, 20 sur 20 au tir. Impérial, là aussi, rien à dire. Il devance son compatriote Quentin Fillon-Maillet et le Norvégien Christiansen qui s'impose juste devant Simon Détieux, hein, il y a eu un sprint entre les deux. Ensuite, on retrouve Émilien Jacquelin, 6e, donc 4 Français encore dans les 6 premiers. Antonin Guigona, 8e, Fabien Claude, 15e. Et à noter que Florent Claude, lui, s'est classé 46e au classement général de la Coupe du Monde. Martin Fourcade reprend donc encore plus de points sur Johannes Bö, hein, qui devrait normalement faire son retour la semaine prochaine à Paul Kluka. Et ça s'inverse entre Quentin et Simon. Maintenant, c'est Quentin qui est numéro 2 mondial et Simon Détieux, 3e. Un mot de football avec la Coupe de France et Épinal qui s'est qualifié face au club de l'île de la Réunion, le JS Saint-Pierroise, 1-0 après prolongation et à noter l'élimination de Nancy à Belfort, 3-1. Les huitièmes de finale, c'est la semaine prochaine. Le tirage au sort a eu lieu hier soir. Épinal recevra le club de Lille. Encore une belle affiche, normalement à la Colombière. En basket, en Pro B, Nancy s'est imposé à Grisoberhofen 78-80 et en National 1, le Jet de Vosges s'est imposé face au Centre Fédéral 83-72. Un mot des Jeux Olympiques de la Jeunesse, nouvelle médaille d'argent. Pardon. Pour l'équipe de France, en saut à ski décroché par Joséphine Panier. En slalom à Wengen hier après-midi, victoire de Clément Noël. Un mot de hockey sur glace avec la D2 et la défaite d'Épinal samedi soir 2-1 après les tirs au but face aux Français volants. Et justement, on va écouter un joueur des Français volants, Yannick Offray, que les Spinaliens connaissent bien puisqu'il a passé 5 saisons à Épinal. On écoute tout de suite Yannick Offray. Oh Yannick, ça fait quoi d'être la deuxième équipe qui bat à Épinal chez eux en plus? Ouais, bah ça fait vraiment plaisir. Après, nous on avait besoin de points, donc enfin, c'est particulier. On savait que c'était dur de gagner ici, mais c'était super important pour nous de faire un bon match ici et de gagner ici. Au-delà de que ce soit spécial pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment montré qu'on était capable de jouer contre n'importe qui dans cette ligue. Et on le savait depuis le début, on se le disait, on est arrivé par séquence et là on l'a montré tout le match. Je pense que je ne dis pas qu'on mérite 100% la victoire, mais eux non plus, le match est fini, match nul, je pense que c'est vraiment ça, les deux équipes ont eu des chances. Ouais, tu parlais justement spécial pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti en revenant ici? Tu as passé quand même 5-6 ans ouais. À Épinal. Bah, c'est vraiment exceptionnel, j'adore ça et j'ai gardé vraiment une attache spéciale avec Épinal. J'ai toujours beaucoup d'amis ici. Non, c'est vraiment très spécial et de voir la patinoire comme ça remplie. J'étais plus dans le club quand ils sont descendus et vraiment le premier sentiment que j'avais eu c'était de me dire merde, ces gens-là qui nous ont tellement aidés, qui adorent le hockey, ils peuvent pas vivre sans hockey. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé en Détroit, j'étais vraiment super content et de la façon dont là c'est repris et que c'est vraiment que ça a vraiment pris et que comment ça se passe en D2, j'espère vraiment qu'ils puissent monter en D1 et que ça continue sur cette lancée-là, il mérite à 200%. On va revenir à l'équipe des Français volants. Tu disais vous aviez besoin de points, vous étiez quatrième avant ce soir. L'objectif du club, c'est se maintenir à cette place jusqu'à la fin de la saison, qui arrive quand même très rapidement. Bah, l'objectif de la saison, c'était à peu près de finir dans ces places-là. Là, il nous manquait encore des gars. On a vraiment une très bonne équipe, mais c'est vrai que on trouvait pas encore notre osmose tous ensemble. On était beaucoup pénalisés, c'était un petit peu compliqué. Là, ça va de mieux en mieux. On a un très gros calendrier, les trois derniers matchs. On joue Épinal, Rouen et Meudon. Ah ouais, ouais, effectivement. Mais justement, on a fait un peu le truc derrière, mais c'était parfait pour nous. Et justement, on est super contents d'avoir ce calendrier-là. Et la preuve, on vient de gagner contre Épinal. Pour vraiment se préparer pour les playoffs et avoir les trois bons matchs avant d'être préparé à la playoff. Ouais, puis en plus, vous engrangez deux points ce soir. Donc, ça donne aussi un petit avertissement à Rouen et Meudon de ne pas vous prendre vraiment à la légère. Et la semaine prochaine, on joue au Rouen. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, mais on va essayer de décoller le plus possible. Et puis, si on peut prendre une place, on prend une place. Ok, super, merci. Merci toi. Voilà donc pour cette interview après la rencontre Épinal français volant. Et on va terminer l'actualité sportive avec le tennis. Et tout d'abord, on va revenir sur le tournoi d'Auckland qui a vu une finale 100% française opposer Benoît Paire à Hugo Humbert. Et c'est le tout jeune français Hugo Humbert qui s'est imposé dans cette finale en 3-7. Allez, direction l'Australie, c'est l'Open d'Australie. Hein, ça y est, les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Issu des qualifications, il y a plusieurs Français, notamment Alice ou encore Ben Chetrit. Côté féminin, il n'y en a pas. Plusieurs matchs ont déjà eu lieu aujourd'hui, notamment côté féminin, avec déjà la qualification d'Osaka, de Serena Williams ou encore de Kvitova, l'élimination de Venus Williams. Au programme d'aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Brengel, Ferro se reposera à Van Uytvanck et Parmentier affrontera Wang. Il y aura également Barty sur les cours. Et côté messieurs, il y a eu la victoire de Roger Federer qui n'a pas traîné, l'élimination de Shapovalov, il y aura Djokovic ou encore Tsitsipas. Côté français, à noter la qualification de Barrère face à Safouat en 4-7, et des matchs ont été suspendus puisque la pluie vient perturber déjà cet Open d'Australie qui décidément n'en finit pas de faire part de lui. Quentin Alice a vu donc son match suspendu face à Krajinovic, et si la pluie s'arrête, il y aura les matchs de Humbert face à Milman, de Moutet opposé à Cilic ou encore de Benoît Paire face à Stebe. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Etta James, chanteuse américaine qui nous a quittés il y a 8 ans, jour pour jour, et on s'écoute le titre At Last. Etta James sur RGM, un peu plus de 8h58, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 12h30, ce sera la programmation de la souris verte du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. C'est Lia avec Emma Bignon hein, de la souris verte qui vous en parle. À 13h30, ce sera la rediffusion de la Cristoire du catch. 15h, salut les 60 avec Gérard. 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.